ça va très bien, cousin, du genre au point. J'arrive avec des blocs de Damien plus lourds que Pépé Calé. T'en veux dis-moi, dis-moi, combien mon commis balai. Le Ouagadour du Congo ouvre le balai. Mamakakaï, le beat Maasai, c'est parti, je fous la pagaille des rails sur une gorge. Toutes les langues se taillent, un brasa, je tiraille. Mon Yoki, avec un beau, appelle-nous Moïbier. Gratteur confirmé, je gratte les caillasses du Mundele. Braillé, ça fait de la tête aux pieds, mes poches sont pleines à craquer. Coupe au carré, bien taillé, pantalon pincé, Weston et Versace. Oye, Poutoulou, Bafouiri, les regards sont sur nous. Benji, Simba, parisien, en chien. Trouve du sage loup, bien sûr. Garde garde, ça c'est la château rouge, j'assure. Pur et notre culture congolaise, j'en suis fier, je te rassure. J'ai l'art du foulard, polo, lézard, Weston. Costa. Habité par cette fatalité, ça paye à fécabilité. Je danse le Kwassa, Kwassa. Dame le Saka, Saka. Tu sais que ça, c'est bon ça. C-O-N-G-O. En vivant et en direct, l'Indombi du Congo. Aya Bandi. Voici Bissona Bisso, connu du bas Congo. Poto Poto. Et yeah, le beat qui revient, beauté, les surf et m'beauté. Flalino le côté, billet jusqu'à Brasa en beauté. Prochain, je vais doter, sourire et se frotter. Un buveur d'une gorge, c'est s'asseoir sur une mine et sauter. Le pâté qui vient t'attaquer sur le beat et te choquer. Moi y'a le safou, tous les coups sont permis, je fous des gros trous dans l'assiette de foufou. Calbo fait tourner le whisky coca, le monambo ca, international comme la del soca. Yo, si tiens avec un papa, je donne toute la nuit, j'ai l'os du gorille accroché au bras. Nalobi, Tofanda, Bisso, Nabisso, mais si tu fais un faux pas, Nakoto, Rola, Yolisso. C'est moule poulet fumé de Ege, l'épicier sauce combo. Merci Anda la Graille pour sa recette top niveau. Bonga chérie, tiens-toi bien. Toutes les fois avec l'oise, me toise, mais le choix des restreints. 64, j'étais pas, mais à quatre pattes. T'arrates comme une bière à pression, j'appuie sur le champignon. Champion de la gymnastique typique, t'apprécies la technique, voici tu kiffes. Voici tu kiffes. Bah rejoins-nous par Air Afrique. Tata Malonga, Kweka Tuki. Plus efficace avec un style qui casse. Sinon passe le mur du son, style congolais, je fracasse. Donc fais place l'escarlate, ouais. Éclate la boomba. Ah ça ma femme, femme, faut que je dame l'igname et l'huile de palme. Ou je brûle comme le pili-pili et m'enflamme comme le napalm. Après avoir éclaté un bon fumbois, je vais tout dépenser sur du lenga-lenga. Arsenic, deux balles pastilles, Benji et mystique. Pique comme le moustique et frappe sur guitare acoustique. Congo, bien pour 40 degrés au Congo, où ça file de Brazzaville, Pointe Noire et Lubomo. Bangaliwa, ba congolais, baza awa. Pesa biso micropole l'auto sangana. La Katia Discapaci alias double S. Sur ce saumor, vénère la confrérie, donne la messe. Tata Malonga.